Alors, messieurs, on commence cette revue de l'actualité avec le dossier du conflit étudiant, un dossier très chaud. On a appris la semaine dernière que les étudiants du cégep de l'Outaouais avaient voté en faveur d'un retour en classe. Oui, et par classe, on veut évidemment pas dire classe, là. Mais on s'en va dans la bonne direction en Outaouais parce que, bon, il y a quelques semaines, à l'UQO, on a commencé avec notre mini Victoriaville et maintenant, les étudiants du cégep de l'Outaouais votent la fin de la grève. Alors, à ceux qui seraient inquiets que la région vive des événements semblables à ceux du métro de Montréal, le seul appareil fumigène qu'on peut voir dans un métro ici, c'est le fumoir Michoui Mobile dans le stationnement du métro Montépaiement en fin de semaine et Grébert le week-end prochain. Ah, peut-être que Ricardo sera là avec une recette de son cru. Bon appétit. Et son masque. Oui, c'est ça. Toujours dans le domaine des manifestations, semble-t-il, on risque d'en entendre parler encore tout l'été et même aux Olympiques de Londres. Oui, devant l'ampleur du dernier printemps arabe et les manifestations monstres là, qui ont marqué le mouvement Occupy à travers le monde, le Comité international olympique annonce que la manifestation sera présentée maintenant comme sport de démonstration aux Jeux de Londres dès cet été. Alors, nous sommes prêts pour la performance du Canada, représentée par des athlètes qui proviennent tous du Québec. Oui, devant la débandade du Canadien, les Québécois se sont vite trouvés un nouveau sport national dans lequel ils excellent vraiment. Oui, et c'est parti! La manifestation est en marche et déjà, les juges semblent apprécier le mouvement, la technique et le lancer de la brique. Cependant, ils devront accélérer leur performance pour faire mieux que les autres concurrents, les Arabes notamment, qui ont offert une très bonne manifestation, malgré les 734 morts qu'elle a fait. Mais encore seulement 3 secondes si le Québec ne veut pas se faire disqualifier. Ceci est une manifestation illégale. Alors voilà, ça y est, le temps est dépassé et les juges, tous habillés avec leurs gilets pare-balles et leurs matraques, iront mettre fin à la performance des Québécois. Oh, dommage, les Québécois étaient en feu. Oui, mais comme on le sait, les juges les préfèrent enfumés. Qu'est-ce qu'il y a avec, là? Alors, décidément, dans cette revue de l'actualité, on va rester dans le domaine des manifestations parce qu'il y en a eu une très importante. C'était sur la colline du Parlement. C'était la semaine dernière. On voulait dénoncer les appels frauduleux de la dernière campagne électorale. En fait, Martin, il demandait rien de moins qu'une enquête publique, en plus de celle qu'Élections Canada mène présentement, sur cette histoire où des appels automatisés informaient faussement des électeurs que leur bureau de vote avait déménagé. Ils étaient seulement une cinquantaine de personnes à manifester sur la colline avant-hier, mais, selon nos sources, il y a une raison pour laquelle si peu de gens étaient présents, c'est que tous les manifestants qui devaient y être auraient reçu un appel leur disant que le Parlement avait déménagé pendant la nuit. Ouais. Par ailleurs, 3500 autres manifestants ont été aperçus sur le chemin Century à Manotick, un petit bout. La métropole. Oui, le conflit étudiant a eu au moins ça de positif. Ça nous aura permis de découvrir un nouveau vocabulaire. Oui, et tiens, quoi mieux qu'un expert pour nous décortiquer le tout? Capsule linguistique avec Guy Bertrand, alias l'Ayatolang. Lorsqu'il y a plusieurs sujets dans une phrase, il n'en suffit que d'un au masculin pour que ce dernier l'emporte. Par exemple, on dira « cette chaise, cette table et ce rideau sont beaux ». On dira aussi « les magiciens », même si le groupe comprend des femmes. La seule personne qui est au-dessus de cette règle est Gabriel Nadeau-Dubois. Les étudiants, les étudiantes, les étudiants, les étudiantes. Militants, militantes. Étudiants, étudiants. Étudiants, étudiants. Étudiants, étudiantes. En effet, on sait tous que Gabriel Nadeau-Dubois est au-dessus des lois. Toujours sous l'égide du conflit étudiant, un nouveau mot est né. Le mot « pantoite » n'existait pas jusqu'à tout récemment. Mais une loi spéciale fut adoptée pour forcer sa légitimité. Il peut être utilisé dans l'expression suivante « Ça me laisse un peu pantoite ». Ou dans la chanson suivante pour illustrer le portrait du Parti libéral aux prochaines élections. « Ils gagneront plus pantoite, pantoite, ils gagneront plus pantoite ». À noter qu'il est illégal de pestiférer contre l'utilisation de ce nouveau mot si vous êtes en groupe de 50 personnes ou plus. Sinon, vous aurez besoin d'un bon avocat. Je vous suggère l'autre Guy Bertrand, que plusieurs appellent l'homo Kodak et que moi j'appelle l'homonyme. Salutations à Guy Bertrand. Ouais, certainement. La fin de semaine dernière, il y a des familles qui s'apprêtaient à aller voir le Cirque Mondo à l'Arena Baribeau et ils sont tombés sur d'autres types de manifestants. Ouais, des manifestants qui leur ont fortement encouragé à retourner à la maison, décriant les conditions de vie des animaux du spectacle. Mais comme le permet un règlement caché de la loi spéciale 78, à l'occasion du dernier numéro de la soirée, Martin, les manifestants ont été donnés en pâture au lion. Oh ouais, et la foule a apprécié, nous dit-on. On dira après ça que la loi 78 n'amuse pas la jeunesse. C'est ce que ça fait quand on ne fournit pas notre itinéraire aux policiers. Il n'y avait rien qu'à le faire. Et en terminant, une personne dont on parle en fait, un peu moins souvent dans le conflit étudiant, mais qui doit vivre des moments difficiles, c'est bien le maire de Montréal. Ouais, voir sa ville saccagée, d'autres fois fumer dans le métro en attendant que la chicane passe, ça doit être assez exaspérant. D'où d'ailleurs ses appels demandant au gouvernement Charrette d'agir. Pour calmer le maire, l'aider à mieux s'endormir le soir, voici un conte. Il était une fois un petit carré rouge. Tous les soirs, petit carré rouge allait visiter ses mères grands, Paulette et Alice, appelons-les Police, pour leur apporter une galette d'asphalte et un petit pot de peur. Police habitait une cabane construite par son ami Réal, que nous appellerons, comme tous ses proches, Montréal. Or, des fois, quand le petit carré rouge visitait Police chez Montréal, deux choses éclataient, la chicane et les fenêtres, car le petit carré rouge finissait par lancer sa galette d'asphalte sur le mur. Ces fréquentes disputes finissèrent par atteindre les oreilles du proprio de la cabane construite par Montréal, Gérald Troublé. Dépêché sur place, il n'en croyait pas ses lunettes. « Ma cabane !» dit Gérald Troublé, tartiné d'impuissance. « Il est où le loup pour mettre de l'ordre dans cette histoire-là » Mais le loup, que nous appellerons Jean Charest le loup, parce que Jean le loup, ça va mêler tout le monde. Le loup, donc, était très loin de la forêt, plus précisément entre un beau champ et un court chêne. Troublé ajouta. Si ça continue à brasser là, dans la cabane que Montréal a bâtie, il va sauter comme sa sœur Victoria. Charrette le loup rétorqua. Arrêtez de vous chicaner, là. Ouais. Mais pendant cet élan de conviction, mettons, des rats pourris, sans aucun lien avec la chicane initiale, arrivèrent chez Montréal et commencèrent à saccager la maison en lançant pierres et flammes. Ils réussirent même à entrer dans la maison et, une fois proche de la boîte à bijoux, passèrent à la caisse. Le petit carré rouge, Police et le loup tentèrent d'arrêter les rats pourris, leur enlever leur masque même, mais rien n'y fit. Tout le monde sait que le mascara, c'est dur à enlever. À la fin, Gérald reste troublé. Police et le petit carré rouge s'obstinent toujours. Et de plus belle, les rats pourris lancent des pierres à feu. Après tout, quand le loup n'est pas là, les pourris lancent. Ne reste qu'une chose intacte, tenue par Troublé et tous les animaux curieux maintenant massés autour de la chicane. Le petit pot de peur. Voilà, merci beaucoup messieurs. Eh bien, on tourne à nos casseroles. Oui, on se retrouve donc la semaine prochaine, Jean-Denis et David.